ce genre de captivité est une expérience intransmissible, incommunicable. Le système concentrationnaire soviétique, le goulag, la condition inhumaine. Le goulag, vous savez, on dit en français assez souvent les goulags. Les goulags, c'est pas tout simplement le mot russe pour le camp de concentration ou bien pour les camps de concentration. C'est le nom officiel de l'institution d'État qui s'occupe de tous les prisonniers, y compris ceux qui sont encore en prévention, ceux qui sont en transport, les déportés. Et tout ça est coiffé par le goulag qui veut dire, le premier caractère, ça veut dire direction nationale ou centrale. Et la syllabe lag, c'est la première syllabe du mot camp. Donc on a pris l'habitude de dire goulag pour dire tout simplement les systèmes concentrationnaires soviétiques. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On a entendu la voix de Jacques Rossi, on l'entendra plusieurs fois au long de cette semaine. Nicolas Werth, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes trois, Aimé, Rothman, Werth, on entendait Patrick Rothman ce matin chez Sonia présenter la longue série en trois épisodes que pour Arte, vous avez consacré au goulag, une histoire soviétique. Vous en avez aussi fait un livre qui vient de paraître. Vous avez présenté, ça fait un moment que vous n'étiez pas allé en Russie, vous avez présenté la série à Saint-Pétersbourg. Oui, c'était formidable, je n'espérais même pas ça. Donc la semaine dernière, on a pu présenter le film dans des conditions un peu des années 70, c'est-à-dire dans une semi-clandestinité au musée Armatova. Une salle de 60 places, 150 personnes, un projecteur qui marche plus ou moins et quelqu'un qui traduit en russe le texte en français que personne ne comprend. Et en même temps, après 2 heures de discussion, c'était formidable. Parce que vous avez attendu votre visa longtemps. Pourtant, la Russie est déjà à l'époque de l'Union soviétique. Dieu sait si vous y avez habité comme enseignant, comme attaché culturel, notamment dans ces années, à la fin des années 80, où tombaient en pluie les témoignages. Donc, vous avez expliqué à l'ambassadeur que aller chercher Mireille Mathieu à l'aéroport, c'était intéressant, mais qu'il y avait peut-être plus passionnant à faire. Oui, oui, et c'est vrai que lorsque maintenant je regarde en arrière, entre la présence du goulag dans la Russie de Poutine, et bon, voilà, des années 2020, et quand même la forte présence, la forte mémoire des répressions du goulag au moment de la perestroïka sous Yeltsin, il y a une différence absolument colossale. Il faut raisonner dans la longueur, parce que à part le système concentrationnaire chinois, on n'a pas connu de système concentrationnaire aussi long. Oui, exact. Et c'est pour ça que le parti que vous avez pris dans votre documentaire et dans votre livre est de désigner des époques, et à chaque époque surgissent des spécificités qui peuvent s'effacer à d'autres. Dès les années 20, un laboratoire, il y en a d'autres, mais un laboratoire au large de Saint-Pétersbourg s'établit dans un archipel. Au mois de juin 1923, je débarquais à Solovki. Andrei Roshin a 18 ans quand il arrive au Solovki pour purger sa peine. Sur le bateau, il y avait avec moi des prisonniers politiques, des mencheviks, des socialistes révolutionnaires, des anarchistes. Il y avait aussi un groupe d'hommes d'église et beaucoup de criminels de droit commun. Alexandre Noctev, le premier commandant du camp, reçoit les nouveaux venus par ces mots. Vous pouvez oublier tous les droits que vous aviez auparavant. Ici, nous avons nos lois. Ici, ce n'est pas le pouvoir soviétique. Ici, c'est le pouvoir soloviétique. Ici, le procureur ne vient jamais. Aucun retardataire dans le convoi, un pas à gauche, un pas à droite, sera considéré comme une tentative d'évasion. La loi des Solovki, c'est l'arbitraire absolu érigé en règle. Nous sommes dans le documentaire que je citais, qui est diffusé avec ses trois épisodes successifs, demain, mardi, sur Arte. Alors, dans ce sanctuaire archipel dont les lieux religieux sont transformés en camps de concentration, qu'on comprenne bien, Nicolas Werth, dès le départ, il n'y a pas que des détenus politiques. Il y a des criminels de droit commun, et le « là » peut être donné par les truands. Absolument. C'est ça d'ailleurs qui rend la vie si insupportable pour les politiques dans le camp. C'est qu'au fond, ce sont les truands qui ont la main, qui ont la confiance de l'administration et ce sont ceux qui font la loi. Et au fond, les nazis vont reprendre ce principe avec les capots, avec des truands pour rendre la vie insupportable aux autres. Les truands, ils ont une conscience de classe. On reproche aux détenus politiques de ne pas l'avoir, mais les truands, ils sont conscients du rapport de force, de la hiérarchie. Absolument, et ils sont considérés comme socialement plus proches, évidemment, que les politiques, puisque ce sont des éléments populaires qui, disons souvent, qui ont mal tourné. Mais alors, les politiques peuvent être condamnés parce qu'ils appartiennent à une catégorie jugée dangereuse sans qu'ils aient posé des actes, nécessairement. Absolument. L'article 58 du Code pénal, qui va être, évidemment, l'arme absolue pour emprisonner des millions de gens, c'est l'article 58 du Code pénal qui sanctionne toute velléité, acte ou pensée contre-révolutionnaire. Et cet article va évidemment être très largement utilisé. Alors, est-ce qu'il y avait de vrais opposants politiques? Il y en a eu, mais très peu. Et surtout, je dirais, après la guerre, c'est-à-dire lorsque, en effet, il y a des partisans baltes ukrainiens qui prennent les armes contre le régime soviétique, qui soviétise l'Ukraine occidentale, les pays baltes. Mais sinon, c'est évidemment une arme pour liquider, pour éliminer, pour mettre à l'écart tous ceux que le régime considère arbitrairement comme dangereux. Les chiffres sont encore, j'allais dire, modérés dans les années 20, surtout quand Lénine va mettre en place la période de rémission, la nouvelle politique économique. Mais alors vous distinguez, on parle par période, de grands bonds en avant, si on peut s'exprimer ainsi, dans les années 1930. Absolument, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que à la fin des années 20, à la fin de la période justement assez douce qu'est la NEP, il y a environ 150 à 200 000 détenus en Union soviétique, tout compris. On est un peu plus, 50% de plus que sous l'Empire tsariste, mais on n'est pas dans les millions que l'on va connaître après. Alors le grand afflux, le premier grand afflux, est lié évidemment à la collectivisation forcée des campagnes que lancent Staline et son groupe début 1930, parce que cela va entraîner des centaines et des centaines de milliers d'envois de récalcitrants, de paysans qui s'opposent à la collectivisation des campagnes dans les camps, et des millions qui sont déportés dans des villages spéciaux de peuplement qui forment une sorte d'auréole concentrique autour des camps. Alors on peut noter aussi cette idée, dans la période où le camp de concentration va être remplacé par le camp de travail, à côté du camp de travail, il y a des villages de déplacés avec des populations de koulaks, de paysans individuels, mais aussi bien à la fin des années 30, je sais pas moi, des Coréens minoritaires à l'est du pays qui sont déplacés en masse dans des villages spéciaux. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer la peine de camp qui est une peine toujours individuelle, soit donné par un tribunal ordinaire ou par une juridiction d'exception dépendant de la police politique, et la déportation qui concerne des catégories koulak, c'est-à-dire paysans s'opposant en fait à la collectivisation, catégories éléments dangereux des villes, ce sont des marginaux, ou bien des groupes ethniques. Vous citez les Coréens, on peut citer également les Tchétchènes pendant la guerre, les Kalmouks, les Allemands, etc. Et le fait d'être militant communiste n'était pas une protection, au contraire, parce que en 1937-1938, de grandes purges ont lieu, à la suite d'ailleurs desquelles des directeurs ou des gardes de camp peuvent être convaincus d'être des éléments troubles et se retrouver détenus. Absolument. En même temps que des détenus, d'ailleurs, peuvent devenir oui, chefs. Oui, parce qu'il y a des sortes de campagnes. En fait, le goulag est en permanence rempli par des campagnes répressives. Alors, il y a des campagnes contre tel groupe social, contre tel groupe national, mais aussi, évidemment, contre les communistes, en particulier ceux qui ont, à un moment ou à un autre, qui se sont opposés à la ligne stalinienne. Les camps ont une fonction économique, ont une fonction de colonisation. Dans les bonnes années, 100% de la production de platine et de diamants vient du système du goulag, 80% de la production d'or, ce qui nécessite la construction de grandes routes, la construction de canaux, la construction de chemins de fer. Nous sommes dans un reportage de 1991, donc juste après la chute du communisme, de Sonia Combes. Ce matin, nous avons quitté Taïchet pour nous rendre à Tchouna. Nous avons pris l'Elektrichka, le train, et nous sommes donc sur la voie ferrée construite par les ZEC. Tout ce qui a été construit ici a été construit par les mains des ZEC. Ils n'ont disposé d'aucun matériel, aucun camion, aucune excavatrice, rien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi maintenant il ne reste plus rien des camps, aucune trace, aucun vestige? Au fur et à mesure que la voie ferrée était construite, on abandonnait les camps et on en installait un autre un peu plus loin. Alors les villageois, les habitants dans la région, qui n'avaient aucune envie d'habiter à leur tour dans ces camps, détruisaient les baraques et prenaient les planches, soit pour faire du feu, soit pour construire leur datcha, soit pour rénover leur propre maison. Nous sommes donc à 66 km de Taïchet, toujours dans le train qui nous conduit à Tchouna, et nous allons demander à quelques passagers s'ils savent par qui a été construite la voie ferrée. Ну, а сейчас у нас многое изменилось, и я не знаю, может быть, ее и заключенные строили. Пока что об этом не говорят. Но говорят, что комсомольцы. J'ai toujours entendu dire que c'était les комсомоль, mais depuis quelque temps, on raconte que ce sont aussi les prisonniers. Alors, je ne sais pas. La mémoire est difficile à fixer, Nicolas Vert, parce que le goulag est mouvant. Alors, il y a les prisons de transit, il y a les villages déplacés dont vous parliez, et puis les camps eux-mêmes, qui souvent ne sont désignés que par des numéros, sont mobiles. Oui, absolument. On le voit très bien dans ce reportage. En effet, finalement, étant donné que la plupart des camps étaient le long de grands chantiers, soit de construction de chemins de fer, soit de construction de canaux, voire de villes, par définition, ce sont des camps migrants, des camps mobiles, des camps qui bougent tout le temps. Et ainsi, on a dû attendre vraiment les années 90 pour pouvoir commencer à fixer une sorte de géographie, même très sommaire, des camps. On va prendre un personnage qu'on va entendre deux, trois fois maintenant, comme vous en avez d'autres dans votre série d'Arte, Nicolas Vert. Il s'appelle Yuri Yakovlev. Sa mère était chanteuse et bien sûr, on sait le rôle qu'ont eu certains spectacles, qu'ont eu des orchestres organisés. Et puis aussi, la simple chanson murmurée par chacun dans le goulag. C'est une très vieille romance. Maman, je pèle прекрасно. Maman la chantait très bien. Et elle revenait du spectacle à la maison, parce qu'elle chantait à l'opéra à Leningrad. Après, elle me relevait. Сажает рядышком. Et elle m'asseyait à côté d'elle. Et elle se mettait à chanter. Разинув рот, слушаю. Et moi, j'écoutais. Когда в предчувствии разлуки мне нежно голос воззвучал, когда смеясь я ваши руки в своих руках отогревал, когда дорога светлой даю меня манила из глуши, и я вашей тайной печалью гордился в глубине души. C'est quand la séparation arrive, j'ai envie d'avoir tes mains dans les miennes, mais mes mains sont froides, tu as pris la route, je t'attends. Quand arrive la séparation, j'ai le cœur qui se renverse, quand arrive la séparation. La séparation des familles, Nicolas Werth, vous y insistez longuement. Oui, parce que, évidemment, l'envoi au goulag, c'est... très souvent, enfin 5 ans, 10 ans, très souvent les familles ne sont pas au courant même de la peine, beaucoup de difficultés de correspondre, et il ne faut jamais oublier qu'au goulag, il n'y a pas seulement des hommes, il y a aussi des femmes, beaucoup oui, de femmes. Un nombre impressionnant. Oui, un quart, début des années 50, un quart des gens au goulag sont des femmes, en particulier après-guerre, lorsqu'il y a eu cette terrible vague d'enfermement, de veuves de guerre, de kolkhoziennes, d'ouvrières qui avaient chapardé des petites choses à l'usine ou au kolkhoz et qui en prenaient pour 6, 7, 8 ans de camp à la suite de la loi scélérate du 4 juin 1947. Alors ça c'est une loi scélérate, il y en a une autre qui concerne les enfants, elle est plus précoce, 1935, un enfant de 12 ans, 13 ans pouvait être condamné à la façon d'un adulte. La majorité pénale était à 12 ans. Et donc, il y avait en effet des mineurs dans les camps, mais il y avait aussi ce qu'on appelle des maisons de l'enfant et du nourrisson, c'est-à-dire que un certain nombre de femmes, malgré la séparation entre camps, entre camps pour femmes et camps pour hommes, ou sections pour femmes, sections pour hommes tombées enceintes. Mais il faut aussi voir qu'il y avait un certain nombre de veuves de guerre, de femmes qui prenaient leur tout petit enfant en camp après-guerre. Et donc, en 1947, par exemple, on a 35 000 enfants de moins de 4 ans dans les maisons de l'enfant et du nourrisson au goulag, avec une mortalité terrifiante de l'ordre de 30% par an, par exemple, en 1947. Donc ce sont des enfants nés zec. Vous racontez l'histoire d'un de ces enfants à qui des adultes veulent raconter des contes, des histoires de fées, et qui dit, les interrompant, ben non, on est en camp, nous. Oui. Ne l'oublie pas. Absolument. Et vous faites aussi une grande place à Evgenia Gainsbourg, qui est bien connue, mais moi je ne connaissais pas Karnowskaïa, une grande dessinatrice qui a documenté à l'image. Oui, alors ça c'est un magnifique, une bande dessinée très frappante, qui a été publiée d'ailleurs en France il y a une vingtaine d'années. Alors vous parliez des conséquences de la guerre. Une des périodes les plus difficiles, c'est évidemment celle de la guerre, parce que d'une part, il y a le reflux des camps qui doivent aller vers l'Est à la suite de la poussée allemande de 1941. Il y a des populations entières qui sont déportées, parmi lesquelles les Polonais, les Baltes. Et après la guerre, on retourne au cas Youri Yakovlev. Alors c'est un combattant de l'armée rouge, et ben rien ne lui sera épargné. Subitement arrive l'ordre de Staline qui dit que ceux qui ont été faits prisonniers sous l'occupation, sous l'occupant, doivent passer au contrôle d'État. Donc tous ceux qui avaient été en prison, faits prisonniers d'hier, on a été mis dans un wagon à bestiaux. Et on a été envoyé au camp de contrôle du NKVD. Donc je me trouve dans ce camp pendant 6 mois. Le juge d'instruction, il me donnait des missions. Je dis, mais quoi, quelle mission? Moi, je suis venu pour combattre. Il dit, non, toi, tu es un traître à la patrie. Tu es un fasciste. Tu t'es vendu aux fascistes. Je dis, Ну хорошо. Je dis bon. Где это видно, что я продался фашисту? Alors prouvez-moi que je me suis vendu aux fascistes. À quoi vous voyez ça? Ну и короче говоря. Et finalement. Он говорит, все равно я тебя фашист сделаю. Il a dit, de toute façon. Посажу тебя на 10 лет. Je ferai de toi un fasciste et je te mets en camp pour 10 ans. Émission en 2006, là-bas, si j'y suis. Expliquez-nous si c'est explicable, Nicolas Vert. Voilà, un garçon, il avait 22, 23 ans, il a fait Stalingrad. Bon, il a été fait prisonnier et il est envoyé, après avoir subi les camps allemands, dans un camp soviétique. Oui, ça, c'est sans doute la page la plus tragique d'un point de vue humain, bien sûr, du goulag. Parce qu'au fond, ces malheureux combattants qui ont été faits prisonniers par millions... au début de la guerre, été 41, début 42, par la faute de Staline et du commandement, du haut commandement militaire soviétique qui envoyait vraiment ces jeunes combattants au casse-pipe et vraiment à être encerclés par les armées allemandes avec une stratégie absolument fausse, terrible. Les Allemands qui ont martyrisé ces malheureux prisonniers de guerre, il faut savoir quand même que sur les 5 200 000 prisonniers de guerre soviétiques, seulement 1 600 000 sont revenus. Il y a plus de 65% de gens qui ne sont jamais revenus. Et ces malheureux, lorsqu'ils sont libérés, lorsqu'ils passent par des camps de filtration et de contrôle, parce qu'on les soupçonne de s'être rendus volontairement aux nazis, à la Wehrmacht, et une grande partie d'entre eux est envoyée en camp après, donc une deuxième peine, au goulag. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'absolument unique et sans doute une des pages absolument les plus terribles du goulag que le sort de ces prisonniers de guerre soviétiques. Mais il ne s'agissait pas seulement des prisonniers de guerre soviétiques. Toute personne qui était restée sous l'occupation allemande et donc qui avait travaillé pour gagner sa vie, pour ne pas crever de faim, était systématiquement soupçonnée aussi de collaboration. Donc passée par ces camps de filtration et de contrôle pour civils et pour militaires qui étaient restés, donc, à un moment ou un autre, hors du contrôle du système, c'est-à-dire sous occupation ou dans les camps nazis. Le système en arrive à son apogée numérique, en tout cas, vers 1950, avec les Allemands qui sont déportés, avec les prisonniers des Allemands qui sont déportés, vous citiez les Ingouches, les Tchétchènes, les gens qui sont soupçonnés de ne pas avoir assez bien travaillé pendant la guerre. On arrive à combien en 1950 de prisonniers dans les camps? Dans les camps, on arrive à ce maximum d'environ 2 800 000 personnes à un moment X. Alors attention, donc, si vous voulez, ça, c'est à un moment donné. Il faut savoir que pendant toute la période stalinienne, sur 25 ans, entre 1929 et 53, ce sont plus de 20 millions de citoyens soviétiques qui sont passés par les camps. 2 millions sont morts, mais à un moment X, c'est-à-dire à l'apogée du goulag, on est à 2 700 000, 800 000 détenus, plus autant de déplacés spéciaux, de déportés. Donc on a une masse de 5 500 000 de personnes qui sont soit en camp, soit en village spécial de peuplement. Alors vous dites qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le mot « camp de la mort ». J'ai dit « camp de la mort », je n'ai pas dit « camp d'extermination ». Il y a des moments... Oui. Où l'expression est justifiée. Il y a des moments où l'expression est justifiée, notamment pendant la guerre. 22% de taux de mortalité en 1942, encore 20% en 1943, donc taux annuel. Ensuite, 1937-38, on est à des taux de 15% environ. Mais dans certains camps, il y a des opérations de liquidation, donc de notamment de prisonniers politiques, où des dizaines de milliers de détenus politiques sont fusillés au moment de la Grande Terreur. Quand il y a trop de prisonniers, on n'arrive plus à gérer la contradiction organisée entre les différentes catégories qui permet de maintenir l'ordre. Et puis la fonction économique des camps, en 1950, elle n'apparaît plus. À l'âge des technologies modernes, la brouette, c'est plus tellement valable. Et puis intervient la mort de Staline. On reviendra sur ces questions, notamment dans une émission que nous consacrerons à la dénégation, vous notez le mot, en France, du goulag. Ici, encore le reportage de Sonia Combe qui va vous permettre de parler de l'archivage et de la mémoire du goulag. Nous sommes dans un cimetière de zec, de détenus. Un cimetière recouvert d'herbes et de ronces maintenant, où on pense que furent enterrés les zec. Seul un panneau indique qu'il s'agit d'un cimetière. Sur un bout de bois écrit à la main, attention, zone dangereuse, il est formellement interdit de profaner les tombes. Mais trouver les tombes semble assez difficile. Léona, il y avait des numéros ou des noms sur le... Il n'y a que les numéros seulement. C'était les zec qui s'enterraient les uns les autres. Bien sûr, seulement les zec. Ils étaient obligés de mettre le numéro. Pourquoi ne mettaient-ils pas le nom du camarade qu'ils enterraient? Mais je ne sais pas. Sur les certificats, chaque zec a son numéro. On sait que c'est un cimetière de zec. Depuis quand on sait ça? Depuis les années 50. Oui. Le panneau là, où il y a marqué qu'il est interdit de profaner les tombes, quand est-ce qu'on l'a installé? C'est peut-être l'association, les membres de l'association. L'association des zec qui vient de se constituer. De Zerlag, oui. On sait environ combien de personnes ont été enterrées ici? Combien de tombes il y a? Combien de tombes? On m'a dit que environ 400 zec, 400 prisonniers. C'est difficile de conserver le souvenir in situ, Nicolas Vert, ne serait-ce que parce que la nature, parfois, est la plus forte en Russie. Absolument. Il suffit de comparer les photos prises par Thomas Kijny des camps au début des années 90 et celles que moi j'ai pu prendre 20 ans après, lorsque je suis allé à la Colima en 2011-2012, pour voir qu'au fond, les traces des camps avaient physiquement disparu dans la nature, des bâtiments en bois qui s'étaient tout simplement dissous, mais aussi à cause de la pauvreté extrême des gens locaux qui venaient prendre les bouts de cuivre, les bouts des les fils électriques, enfin qui pillaient ce qui restait de ces camps qui ne sont évidemment non seulement pas répertoriés, mais sur lesquels il n'y a aucun... au fond, aucune trace de mémorialisation digne de ce nom. Alors vous vous êtes appuyé pour la confection de vos films avec Rotman et Aimé sur l'association Mémorial. Je voulais juste citer comme une lueur, une fente, Yuri Doud, un youtubeur que conseiller de regarder, Fabrice Rouel, sont les images extraordinaires d'une vedette de la radio et de la télé qui a 25 ans, qui a donc des moyens physiques de filmer la route unique de la Colima, celle où circulait la Rolls-Royce de Madame Krupskaya, la veuve de Lénine, qui était la propriété, cette Rolls-Royce, d'un directeur de camp. Des images formidables. Yuri Doud, et puis évidemment votre série sur Arte. Demain, cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Arthur Le Breton et Juliette Gou à la technique et à la réalisation. Fief communiste, la Courneuve. Oui, absolument. Les prolongements de la Courneuve, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans les quartiers dits difficiles, eh bien ils ont une racine, ils ne tombent pas du ciel. C'est notamment à partir de la cité des Courneuves, de la Courneuve, la cité des Catholiques.